Oh frère, oups, j'ai shooté. Tu parles trop, je vais arrêter de t'écouter. Juste un croche pour éviter de dégoûter. Sur un mot, vois tout un Z déboulé. Oh frère, oups, j'ai shooté. Tu parles trop, je vais arrêter de t'écouter. Juste un croche pour éviter de dégoûter. Sur un mot, vois tout un Z déboulé. On fait des trous dans les murs comme un magnum. Chaque fois qu'on sort un album, on les vend sous la manche, pourtant ça cartonne. Ils entendent parler de nous, nous demandent où allez-vous. Ils veulent qu'on fasse des allées. Alors on s'en bat les couilles, les Z. Plus le chemin emprunté sera long et compliqué, plus je m'assure de ne jamais pouvoir dire qu'ils m'ont niqué. On creuse l'écart, on crispe les corps à cœur pour noyer le feu et retarder le jeu. La différence entre toi et moi, c'est eux. Baisse tes mots et pense toi-même, personne ne fera pour toi. Je ne sais pas pourquoi, quand on dit la vérité, on parle tout bas. L'honnêteté crée le silence qui dérange les opportunistes. J'ai le fusil au bord du vide devant l'aéroport du vice. Quand la faucheuse va passer, des vraies choses vont se passer. Ils vont se pisser, puis s'épuiser, briser de leur passion. Faut que je commette quelques meurtres, je remette à l'heure ces petits pédés qui sentent la bite léchée, si les pieds avec des textiles étrés. Quand j'arrive, je tire pas en l'air, la main sur le cœur, là je vise la masse. Cherche pas à te faire peur, mais j'attire la crasse. On n'est pas libre, mais nos stylos viennent scier les barreaux. Mes paroles dans ma salive ouvrent les portes et cassent les carreaux. On l'a dans le cul, hors taxe. Je vois l'état comme une sonde anale. Tout ce qui était normal devient condamnable. L'industrie sans la shit ne serre pas la main d'un proctologue. Je veux pas sucer une bite. Alors pour certains, je suis homophobe et niquez tous vos génitrices. Toi, ça se voit, tu fuis les risques. Cet avenir me terrifie car sans argent, la vie est triste. On fera pas tout pour réussir, juste le nécessaire. Je veux pas les laisser fuir, je vais pas les laisser faire même. Oh frère, oups, j'ai shooté. Tu parles trop, je vais arrêter de t'écouter. Juste un croche pour éviter de dégoûter. Sur un mot, vois tout un Z déboulé. Oh frère, oups, j'ai shooté. Tu parles trop, je vais arrêter de t'écouter. Juste un croche pour éviter de dégoûter. Sur un mot, vois tout un Z déboulé. Noyé sous les drames. J'essaye pas faire de vagues, mais ça me démange de voir ta tête de lâche sous ma paire de Nike. On peut pas perdre de l'âge, sauf quand les petits tiennent, prennent le dessus. On veut juste faire de l'argent pour que le système vienne nous cesser. Jamais déçu, je suis né à poil. Mes histoires, c'est des vrais trucs, je mets les voiles. Mes victoires sont mes blessures. Un micro dévidoir, si j'en dis trop, c'est le star. L'usine, mon territoire, les autres à boire sont dérisoires. L'usine avec un Z, je sais que t'entends ce blaze retentir. Je peux dire la vérité, ils n'arrêteront jamais de mentir. Mon profil et mon discours posent quelques problèmes au label. Ce ne sera pas à la faucheuse qu'ils pourront tendre l'appel. J'entends l'appel, mais il me reste des peines à régler. Je peux pister les pustules de la peste qui ne s'est arrêtée. Je vois le toit du monde qui s'enfonce. Je reste avec la secte pour ne pas tomber dans les pires mensonges. Oh frère, oups, j'ai shooté. Tu parles trop, je vais arrêter de t'écouter. Juste un croche pour éviter de dégoûter. Sur un mot, vois tout un Z déboulé. Oh frère, oups, j'ai shooté. Tu parles trop, je vais arrêter de t'écouter. Juste un croche pour éviter de dégoûter. Sur un mot, vois tout un Z déboulé. Usine avec un Z, aïe. Cherche pas plus loin ma gueule. La dernière lettre de l'alphabet. Sur les petits. Usine, hein.